guess your leaving was meant to be. It's down to you now. You wanna be free. Well, I hope you know which way to go. You're on your own again. Don't come crying to me when you're the lonely one. Remember what you've done. Oh, it's so funny how we don't talk anymore. It's so funny why we don't talk anymore. But I ain't losing sleep like I'm cheap. No, no, no. It's so funny how we don't talk anymore. Donc Talk Anymore, Cliff Richard sur RGM, 8h39, on est toujours dans la matinale et on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 14 octobre 1940, naissance de Cliff Richard, chanteur britannique, 1947, naissance de Bruno Mazur, journaliste français qui a été présentateur du journal de 20h de la 1 et de la 2. 1965, naissance de Steve Coogan, acteur britannique, vu dans Le Tour du Monde en 80 jours dans le rôle de Phileas Fogg, Marie-Antoinette dans le rôle de l'ambassadeur Merci, La Nuit au Musée, 1, 2 et 3 dans le rôle d'Octavius, Percy Jackson le voleur de foudre et Percy Jackson la mère des monstres dans le rôle d'Hadès. 1967, naissance de Gérald de Palmas, chanteur français. C'est également l'année de naissance de John Seda, acteur américain, vu dans Gladiator, L'armée des 12 singes, Bad Boys 2, la série télé New York 911 dans le rôle de Matty Café et surtout Chicago Police Department dans le rôle du lieutenant Antonio Dawson, rôle qu'il reprend d'ailleurs dans Chicago Fire ou encore Chicago Justice. 1971, naissance d'Alexandra Lamy, actrice française, vue dans Brise de Nice, dans le rôle d'Alice de Nice, l'âme sœur de Brise de Nice, alias Chantal la sirène, Lucky Luke, Les Infidèles, Tout le monde debout, Convoi exceptionnel, Chamboultou, à la télévision bien sûr dans Un gars, une fille, dans le rôle d'Alex, un petit chouchou, Une chance de trop, dans le rôle d'Alice Lambert, ou encore Après moi le bonheur, dans le rôle de Marie-Laure. 1977, naissance de Tania Young, animatrice télé française. 1978, naissance de Cher, chanteur américain. 1980, naissance de Ben Whishaw, acteur britannique et connu pour son rôle de Q dans Skyfall et Spectre, rôle qu'il reprendra d'ailleurs en 2020 dans le prochain James Bond intitulé en version française Mourir peut attendre. On l'a vu également dans Le Retour de Mary Poppins dans le rôle de Michael Banks ou encore la série télé The Hour dans le rôle de Freddy Lyon. On termine les anniversaires en 1989 avec la naissance de Mia Wasikowska, actrice australienne vue et connue pour son rôle d'Alice Kingsley dans Alice au Pays des Merveilles et Alice de l'autre côté du miroir, vue également dans Madame Bovary dans le rôle d'Emma Bovary. Allez, tout de suite, nouvelle pause avec Gérald de Palmas et son titre Au bord de l'eau. Clos, alors qu'il fait déjà chaud, je suis parti ne pas affronter la ville. Je ferai le tour de l'île, c'est mieux ainsi. Au bord de l'eau, il y a cette vie qui m'appelle. marque plus une ombre au coin de la rue. Un être à part. On s'amuse, on me plaint. Rien de tout ça ne m'atteint. Oh non, car quelque part. Et au bord de l'eau, il y a cette fille qui m'appelle. Elle me trouve beau. Au bord de l'eau, je passe des heures avec elle. C'est tellement de temps à faire mon intéressant qu'un soir je me suis perdu. Voilà ce que je vais faire, aller au bout de la terre, l'océan à perte de vue. Et au bord de l'eau, il y a cette fille qui m'appelle. Avec elle, sans dire un mot, sans dire un mot. Gérald de Palmas sur le 107FM. Un peu plus de 8h45, on fait un point sur la météo. La météo. Ce sera encore une belle journée ensoleillée. Des températures comprises entre 14 et 15 degrés ce matin, entre 21 et 23 degrés prévus pour cet après-midi. Mardi sera une journée pluvieuse avec des températures comprises entre 14 et 15 degrés le matin, entre 16 et 17 degrés prévus pour demain après-midi. Mercredi devrait être une journée ensoleillée avec un petit peu de nuages, des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin et entre 15 et 16 degrés prévus pour mercredi après-midi. Allez, tout de suite, ton fil faire un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On commence tout de suite avec du football et la qualification pour l'Euro 2020. Et vendredi, la France s'est imposée en Islande 1-0 sur un pénalty signé Olivier Giroud. Ce soir, la France affronte au Stade de France la Turquie. Si la France vient à s'imposer dans cette rencontre, eh bien, les Français seraient qualifiés donc pour l'Euro 2020. Allez les Bleus! Et en Coupe de France, à noter la qualification de Thaon-les-Vosges, Raon-l'Étape ou encore Épinal. Un mot de hockey sur glace avec l'AD2 et les Spinaliens qui se sont imposés à Paris 9-3 face aux Français volants avec pas moins de 5 buts inscrits dans le dernier tiers. Un mot de football maintenant avec le Grand Prix du Japon qui a été remporté par Bottas devant Vettel et Hamilton. A noter la 7e place de Charles Leclerc, la 8e place de Pierre Gasly et la 15e place de Romain Grosjean. Un mot de basket maintenant avec la Nationale 1 et la défaite du Jet Vosges à la Charité 80-71. Et en National 3, la défaite à domicile de Mirecourt face à l'équipe 2 du SLUC Nancy, 74-77. Un mot de cyclisme maintenant avec la Coupe de France à Mézières. La 2e place de Steve Chenel et la 1ère place revient à l'un de ses poulains, Antoine Benoît. Un mot de tennis maintenant avec plusieurs tournois cette semaine. À Moscou aujourd'hui, Manarino affrontera Zunur. À Anvers, Ohang sera opposé à Kopil. Tsonga affrontera Sonego. Parer, lui, sera opposé à Lorenzi. À Stockholm, Moutet affrontera Tipsarevic. Et enfin au Luxembourg, Paquet affrontera Bonaventure. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Usher et son titre Yeah. Peace up, A-Town down. Yeah, yeah. Okay, okay. Usher. Let's go. Get a little VI, keep it down on the low key.